couronner le tout, ils sont en wifi, donc ça. C'est un test, il n'a pas encore préparé, enfin il n'a pas câblé quoi, il découvre le logiciel maintenant aujourd'hui là, donc il va s'y faire.